Ah, donc, on est avec Danny Gay-Bélanger, qui a passé à l'émission v'là 6 mois à peu près. Quelque chose du genre, ouais, à peu près, là. Ouais, parler d'histoire de préservation. Oui. Danny, là, présentement, on est sur place. On est sur place à l'expo Rétro-Ludicité dans le pavillon Lionel Groulx de l'UDM, c'est ça? Je peux... Oui, exactement. OK, je suis pas trop mélangé. Non, non. Des fois, c'est un peu un labyrinthe, là, l'UDM. Oui, effectivement. Parce que j'ai commencé mon doc pendant la COVID, je sais comment me rendre au laboratoire puis dans la salle de l'exposition. Puis c'est pas mal, ça. Ouais. Ça, puis aller me chercher des cafés. C'est pas mal les seuls endroits que je connais. Les choses les plus importantes. Oui, exact, exact. Travail, café, oui, exact. Donc, les toilettes. Les toilettes. Donc, on est présentement dans la salle de rétro-ludicité. Oui. Pour un symposium. Oui, fait que dans le fond, j'ai été co-organisateur du 9e symposium Histoire du jeu. Donc, dans le fond, c'est un symposium qui est créé principalement pour les étudiants pour venir présenter leurs recherches en histoire du jeu vidéo. Donc là, on avait aujourd'hui, c'était un événement un peu plus intime cette année. D'habitude, on fait des appels, pas de contribution, mais des appels à communication avec une conférence plus standard, plus traditionnelle. Mais là, on a décidé d'aller, j'ai décidé d'aller avec une approche un petit peu plus hybride, je dirais. Fait qu'on a eu quelques présentations, mais on avait plus un système de kiosque où les gens pouvaient parler de leurs recherches, montrer ce qu'ils font, tout ça, un peu pour essayer de recréer le café ou la bière d'après-conférence où là, il y a plus de connexions qui se créent, c'est le social. Puis je pense que c'est les moments les plus productifs côté relationnel puis interpersonnel, qui, selon moi, est l'aspect le plus important des conférences, même si, oui, évidemment, présenter sa recherche puis tout ça, c'est important puis c'est intéressant. Je pense que c'est vraiment les discussions qui en ressortent, qui nous forcent plutôt à penser, qui sont le plus intéressants. Fait que c'est un peu ce que j'essayais de faire aujourd'hui. Puis notre thème, c'était évidemment le rétro, vu qu'on avait une super belle exposition sur le jeu vidéo rétro, puis aussi un peu les interconnexions avec la photographie puis le cinéma, qui a été créé en partie par l'autre co-organisateur de la conférence, Carl Terrien, qui est aussi mon superviseur de doctorat. On était comme, pourquoi pas faire une conférence sur le rétro? Évidemment, ça fait super bien avec l'histoire du jeu vidéo. On peut pas se plaindre dans ton cas. Non, vraiment pas. Bien, sur ma recherche, je suis aussi rapport à ça. Là. Je travaille sur la préservation puis l'histoire du jeu vidéo, puis un peu comment on peut utiliser l'histoire orale pour puis les entrevues, dans le fond, d'histoire orale pour essayer de préserver l'histoire du jeu vidéo puis les différentes choses que ça va ressortir. Parce que c'est le fun d'avoir des entrevues, mettons, avec des développeurs de jeux. C'est important, c'est super important même. C'est important d'essayer, du moins, de préserver le plus possible le matériel du jeu vidéo, mais ça a une durée de vie limitée. Donc, si on est capable aussi de préserver la mémoire des jeux, surtout que le monde qui ont joué à ces jeux-là, souvent les jeux même des années 80 sont encore en vie, même chose pour les développeurs. Donc, c'est le moment de faire ça, mais tranquillement, pas vite, c'est en train de disparaître. Donc... Oui, c'est ça. On le voit avec les développeurs d'Atari qui sont tous âgés maintenant. Puis... Ben oui. S'il y avait 20-30 ans dans les années 80, ça fait déjà 40 ans de ça. Là. Ouais, donc, ça. Ils sont rendus à 60, 70, 80. Oui, Nolan Bushnell, là, il commence à, ouais, commence à faire son temps. Ben, exact. Par contre, lui, si on prend Nolan Bushnell, il y a déjà eu beaucoup d'entrevues avec lui. Donc, je pense que son histoire est déjà un peu préservé. Par contre, les joueurs eux-mêmes, pas tant. Puis eux aussi, là, sont dans ces tranches d'âge-là. Là. Pour moi, c'est tout aussi important parce que le développement du jeu, c'est intéressant, c'est important, mais ce que le monde en font quand ils vont y jouer, c'est vraiment aussi quelque chose de nécessaire à préserver parce que c'est pas juste l'intention qui compte, mais c'est aussi l'impact, la réalité. Là, le symposium vient de clore. On est en train de se parler. Les gens sont en train de quitter. C'était super intéressant. Moi, j'ai été présent pour une bonne partie de la journée. Qu'est-ce que tu peux nous parler un peu de qu'est-ce qu'il y a eu? Oui, donc on a eu plusieurs types de présentations. On a été extrêmement chanceux d'avoir Adam Lefleur qui était là aussi lors de la dernière fois où j'étais à l'émission, qui est venu présenter un peu son projet de recherche, mais aussi un peu les expositions qu'il fait, là, où les gens, dans le fond, vont, ils installent un peu un, un peu un genre de salon slash sous-sol typique de l'époque, tu sais, fin 80, début 90, pour que les gens puissent jouer au jeu, puis les souvenirs sortent de ça. Puis lui aussi travaille un peu sur l'histoire orale du jeu vidéo, mais plus basé sur sa région. Il vient de l'Abitibi. Moi, c'est plus sur un jeu spécifique. Donc, si on voulait faire l'histoire orale d'un jeu en particulier. Donc, moi, j'ai parlé plus de ça. Puis surtout des jeux qu'on connaît moins, qu'on entend moins parler. Les jeux un peu qui sont pas remarquables. Donc, pas les flops monumentales ni les jeux super connus. Ce qui passe sous le radar, mais qui est quand même intéressant puis qui en dit long tout de même sur l'histoire du jeu vidéo puis sur le jeu vidéo à l'époque, mettons, où un jeu est sorti. Dans mon cas, un des jeux que j'étudie, c'est Jersey Devil, qui est un jeu fait à l'époque Megatoons, qui est maintenant Behavior Interactive, donc quand même un joueur assez majeur dans le jeu indie, ou même dans le jeu, c'est pas tout à fait triple A, mais pas loin. On pourrait dire du double A, peut-être. Sinon, on a eu Michael Antorno de Concordia qui a parlé, dans le fond, du hacking de jeux vidéo, du modding de jeux vidéo pour les fan translations. Super intéressant. Comparer les différents types de versions de ces traductions-là des jeux japonais qui ont peut-être été traduits au début pour être vendus en Amérique ou, en tout cas, dans le monde anglophone. Évidemment, au Québec, au début des années du jeu vidéo, la plupart des gens vont avoir interagi avec des jeux en anglais à l'époque, donc même chose ici. Mais après ça, justement, ils disaient « Ah, c'est des mauvaises traductions », puis il y a plusieurs personnes qui vont souvent se souvenir de le « All your bases are belong to us », qui est un classique. Un classique des mimes, oui. Oui, oui. On a aussi eu Alex Osorio qui parlait, dans le fond, du modding de Game Boy Advance, un peu l'effort de mémoire puis de préservation que par rapport à ça, puis comment ça vient un peu changer aussi, comment on se souvient de ces consoles de jeux vidéo-là, mm-hmm. qui sont les nouvelles, dans le fond, avec les nouveaux écrans, sont tellement plus beaux, tellement plus clairs, les couleurs sont plus vives, mais c'était pas comme ça à l'époque, donc ça vient un peu changer, puis c'est intéressant de voir le contraste entre cette console-là d'époque versus une qui est modifiée. On a eu quelqu'un qui... Annie Harrison qui parlait, entre autres, de l'histoire du Let's Play, dans le fond, comment ça a commencé avec le Let's Play Oregon Trail, mais justement, comment il y a un peu un mythe qui est créé sur cette histoire-là, qui n'est pas tout à fait vrai. Donc, le premier vrai Let's Play, en guillemets, de Oregon Trail, ça s'appelait pas vraiment Let's Play Oregon Trail. Donc, quelque chose de quand même intéressant là. Puis aussi, on a eu, en fait, des gens, un groupe de trois personnes du musée de la science et de la technologie du Canada qui sont venus parce qu'ils ont un laboratoire, dans le fond, de préservation numérique qui est en cours, dans le fond, de préparation et d'organisation. Super intéressant comme projet. Puis justement, tu sais, si on parle de préservation numérique, préservation de jeux vidéo, c'est toutes des choses qui passent par là, particulièrement si on parle d'une histoire canadienne et aussi québécoise, évidemment. Très intéressant de voir ça aller, puis de voir ces choses-là, puis tu sais, mettre le monde en contact aussi, là, c'était surtout le but de l'événement. On avait Dominique Arsenault, un des professeurs à l'Université de Montréal, qui travaille sur le chip metal, et donc, dans le fond, qui fait des albums de chip metal carrément. C'est sa recherche. Je pense pas, je pourrais penser à un exemple plus de recherche cool que ça. Sinon, j'oublie-tu quelqu'un? Développeur de jeux. On a eu, malheureusement, ils ont dû être là à distance parce qu'il y avait leur party de Noël aujourd'hui. Mais Sabotage, en fait, ont fait une courte période de questions-réponses pour leur nouveau jeu Sea of Stars. Puis on parle aussi de The Messenger, le jeu qui sont vraiment bien connus. Donc, un développeur indépendant de la région de Québec, super intéressant parce que justement, même ils me racontaient dans une conversation que j'ai eue avec eux, le monde disait c'est des développeurs de Montréal. C'est comme non, ils viennent vraiment de la ville de Québec. Donc, il y a des choses qui se passent à l'extérieur de Montréal. Oui. On aime le rappeler, surtout Montréalais, que je suis moi-même. C'est une très belle entrevue aussi. Oui, c'était vraiment intéressant justement de parler de toutes les différentes inspirations d'eux-mêmes dans leur propre histoire du jeu vidéo, mais aussi juste de collaborer avec des grosses têtes, surtout avec la musique du jeu. Oui. Malheureusement, son nom m'échappe, mais un des personnes qui travaillait sur la musique de Nintendo, là, quelqu'un d'iconique, là, carrément. Puis de voir comment justement ils essaient d'avoir un feel rétro en essayant d'avoir certaines limitations qui poussent vraiment cette créativité-là, mais aussi juste d'un peu plier un petit peu les règles aussi pour être capable de faire des choses quand même intéressantes puis pas trop limitées non plus. C'est quand même intéressant de voir leur pratique puis leur approche par rapport à ça qui est pas très, très puriste, mais je trouve qu'il est extrêmement productif. Oui, c'est ça. C'est l'authentique imaginé. Oui. Aussi, parce que ça, c'est une chose qui est importante. Là, c'est ce qu'on pense qui est authentique, souvent, c'est pas tout à fait, entre guillemets, authentique ou exact. T'sais. C'est une chose que j'arrête pas de dire, que je répète constamment dans ma recherche, puis à tout le monde qui parle d'histoire, ce qu'on pense qui est vrai ou authentique, c'est des traditions fortes et établies. Souvent, ça fait juste à peu près 20 ans que c'est là, puis on pense que c'est là depuis toujours, mais ça ne l'est pas. C'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus changeant de penser à l'histoire comme étant une quelque chose de linéaire. C'est pas juste carrément. Là. Il y a une façon de penser en histoire qui s'appelle téléologique, donc linéaire, qui est vraiment problématique à cet égard-là. Donc, j'ai essayé de changer ça, puis je trouve que c'est quand même intéressant aussi de voir ça, même que ça ressort à travers des développeurs qui sont pas nécessairement, tu sais, formés en tant qu'historiens. Là. Eux ont leur propre histoire, mais tu vois ces mêmes types de pensées, de courants qui ressortent à travers leur travail. C'est vraiment intéressant. On a aussi eu rapidement l'autre avec son garçon. Oui, on a eu Jonathan Lessard encore là, oui. de Concordia, qui lui présentait son propre jeu, que j'oublie le nom. Peut-être que tu t'en rappelles. Oui, non. Oh non! C'est vraiment plate. Mais lui, dans le fond, qui crée un jeu vraiment basé sur des données, un peu comme les anciens jeux, là, un peu même avant Civilization, l'utilisation, le premier. Là. Très, très basé justement sur ces données-là, puis un peu très, très expérimental de créer quelque chose basé justement un peu les SimCity, SimEarth, Civilization qui est mentionné aussi, qui sert d'inspiration à ce qu'il fait. Mais qui, dans le fond, un peu qu'est-ce qui ressort de ça, puis que le gameplay qui pourrait ressortir de ça. Donc, pas avoir une idée du gameplay déjà établi, mais plutôt, on essaie de faire de quoi? On essaie de créer un jeu avec certains paramètres, puis on voit ce qui ressort, puis après ça, on va faire quelque chose avec. C'est une approche vraiment, vraiment intéressante qui demande évidemment beaucoup, beaucoup de travail et d'efforts, puis de pensée, puis failure, puis justement, il nous montrait quelques petits problèmes parce que c'est une simulation de vie un peu d'une communauté. Puis là, ben, tu as des leaders, par exemple, de communauté, leaders de certaines tribus ou quelque chose, puis finalement, de certains groupes. Puis finalement, on se rend compte que finalement, à cause de certaines manières que les choses sont codées, il y a beaucoup d'inceste dans le jeu, ce qui est quand même très drôle. Fait comme un peu, oups, pourquoi lui, il essaye de croiser sa grand-mère? Tu sais, c'est des choses quand même intéressantes qui ressortent de ces choses-là, qui sont choquantes, mais en même temps un peu... c'est un peu humoristique. Je trouve ça quand même le fun. Le plaisir de designer des jeux. Oui, exact. Ben écoute, merci beaucoup. C'était une super belle journée. Ben, merci. Puis, on va se rejoindre bientôt. Oui, toujours dans. Alex Custodio, tu es ici dans pour présenter un peu ton projet de recherche. Oui, donc moi j'étudie le Game Boy Advance de Nintendo, le handheld qui était introduit en 2001. Quand il était introduit, il n'avait pas un écran illuminé. Donc ça, c'était un point de contention avec les fans qui voulaient que l'écran était illuminé. Il y avait déjà des exemples de handhelds qui étaient illuminés dans les années 2000. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les fans, les hobbyistes, les modders? Est-ce qu'ils ont trouvé des manières d'ajouter une lumière au écran par prendre l'écran du AGS 101? C'est la version du SP qui était introduite en 2005. Donc, avec cet objet, ils ont mis l'écran dans le Game Boy Advance de 2001 pour illuminer. Puis ça, ça a venu la version plus authentique parce que c'est la version qu'on imagine avec le Game Boy Advance. Donc, maintenant, aujourd'hui, quand tout est backlit, on n'imagine pas un écran qui n'a pas une illumination. On imagine qu'on peut voir l'écran. Donc, ça, c'est ça a venu la version plus authentique. Puis maintenant, quand il y avait des différents protocoles pour ajouter une lumière au Game Boy Advance, on parle des versions plus modernes et des versions authentiques, mais la version authentique, c'est pas l'original maintenant. On pense jamais à l'original quand on pense au Game Boy Advance. J'aimerais juste clarifier un peu, parce que oui. C'est ça qui me fascine, puis j'espère que si j'ai compris la bonne chose. Une personne, genre, prototypique, aurait joué comme au vieux avec l'écran qui n'est pas comme rétro-éclairé. Ouais. Donc, il aurait fallu qu'il y ait une lumière qui fasse la lumière dessus pour voir les graphiques. Donc, on ne peut pas y jouer la nuit, on ne peut pas y jouer. Exactement. Là, cette personne-là, après avoir joué dans son enfance à ce moyen-là technologique un peu inférieur, en tant qu'adulte, se souviendrait d'une image plus claire, imaginée. Exactement. On se souvient d'une version qui n'existait pas jamais. Parce que maintenant, on ne peut pas même concevoir un jeu vidéo qui n'a pas une lumière. Donc, les mémoires qu'on a avec le Game Boy Advance sont colorées avec le présent. On pense à un jeu vidéo qui est rétro-éclairé, même s'il n'était pas à ce moment. Donc, c'est une nostalgie qui est comme vraiment imaginataire. C'est pas le original dans le sens du mot. Oui, c'est ça. C'est comme si l'objet original dans les mémoires aurait été réécrit par-dessus par le nouvel objet. Exactement, exactement. Puis c'est pas seulement dans les mémoires des utilisateurs, mais aussi dans le vocabulaire des modders qui maintenant, ils appellent la version modifiée authentique quand ils discutent les nouvelles modes. Donc, ouais. Est-ce que l'authenticité existe vraiment dans ce moment-là ou est-ce que c'est un concept vaporeux? Moi, je dis non. Moi, je dis qu'il n'y a pas un sens d'un original. L'objet, c'est toujours malléable. Ce que je peux dire, parce qu'il y a toujours des versions différentes, même sur les PCB du Game Boy Advance sont différents. Donc, on ne peut pas prendre un seul Game Boy Advance puis dire ça, c'est le original, parce que même quand ils étaient produits en 2001, il y a des versions différentes déjà. Donc, il n'y a pas comme vraiment un original. C'est quelque chose de fausse qu'on a une idée d'une technologie originale, mais c'est plus flexible que ça, je pense. Est-ce qu'il y a un intérêt à préserver l'objet sans, comme, avec son écran original puis pas rétroéclairé? Oui, ben moi je dis qu'il y a un intérêt pour préserver la version non éclairée, puis aussi de préserver les protocoles qui existent avec la version. Donc, pour préserver la version de 2001, puis après la version de 2005, puis maintenant la version de 2022, parce que ça, c'est tout partie de l'histoire du Game Boy Advance. Ouais. OK, mais merci. Merci. Donc, on est avec Cédric Brosseau. Oui. Hey, Cédric, ça va bien? Ça va très bien, toi? Toi, tu représentes... Oui, ça va bien. Comme je suis pressé de sauter aux questions. T'es venu au symposium aujourd'hui pour représenter l'organisation pour laquelle tu travailles? Moi, je travaille pour Ingenium, qui est la société d'État qui gère les musées de sciences et technologies du Canada. Donc, le musée de sciences et technologies du Canada, le musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada et le musée de l'aviation et de l'espace du Canada. Puis, tu es venu ici avec un but précis de présenter... Oui, mais je fais partie d'une équipe à Ingenium qui développe présentement un laboratoire de préservation numérique. Notre collection contient beaucoup d'objets numériques, beaucoup d'ordinateurs ou beaucoup d'objets qui utilisaient des programmes numériques. Donc, on développe un laboratoire pour non seulement préserver ces objets-là, mais aussi trouver une manière d'interagir avec, de les rendre accessibles pour justement non seulement préserver quelque chose comme un jeu vidéo ou un programme d'ordinateur, mais aussi pour être en mesure d'interpréter un objet, par exemple, comme un ordinateur qui, sans ces programmes, tu ne sais pas vraiment c'est quoi, tu ne comprends pas comment que ça fonctionne. Vraiment. Donc, il y a plus comme une concentration sur l'aspect logiciel? Logiciel, un peu au niveau de l'équipement en tant que tel, il faut quand même préserver les objets qu'on collectionne. Donc, le laboratoire présentement, il y a un technicien qui est membre du laboratoire, il y a un archiviste, il y a un conservateur comme moi, puis on a une restauratrice qui s'occupe là, de préserver là, les artefacts là, pour le long terme aussi. Est-ce que ça présente des problèmes, préserver certaines choses comme des logiciels? Parce que, admettons, tu as besoin d'un équipement spécialisé qui roule des systèmes d'exploitation spécialisés. Oui, disons que c'est un gros défi. Premièrement, c'est de faire le tour de la collection pour identifier qu'est-ce qu'on a. Les logiciels qu'on a ont tendance à avoir été collectionnés par accident, dans le sens que les gens collectionnaient les ordinateurs ou les consoles de jeux vidéo, et puis les logiciels venaient avec. Et puis aussi, c'est souvent des logiciels ou des ordinateurs qui sont obsolètes aujourd'hui, donc ne fonctionnent plus, depuis nécessairement les programmes pour les faire fonctionner. Donc, vous trouvez des manières d'accéder à l'information, et sans mentionner que le médium sur lequel le programme, par exemple, peut être préservé a tendance à se dégrader. Donc, par exemple, une disquette là, de 5 pouces et quart, par exemple, là, qui avait une durée de vie de 15 ans, par exemple, aujourd'hui, c'est à risque là, de dégrader puis de perdre accès à l'information. Bien, je veux parler de ça, mais je veux savoir, a priori, votre collection ressemble à quoi? Présentement, c'est une collection qui est très diversifiée. Le laboratoire est en création présentement. Donc, on commence tout juste à regarder là, ce qu'on a dans le passé, mais aussi commencer à planifier ce qu'on va acquérir, les objets digitaux pour l'avenir. Présentement, notre collection, au niveau du numérique, c'est toutes sortes d'affaires. C'est des programmes d'ordinateurs qui datent des ordinateurs qui ont été développés dans les années 70, 80, 90. C'est des jeux vidéo qui viennent de consoles. On a aussi des ordinateurs ou des téléphones cellulaires ou toutes sortes de technologies qui utilisaient des logiciels. Là, au Musée de sciences et technologies, on a à peu près toutes. Donc, c'est très, très diversifié. C'est qu'un de nos gros défis, c'est comment venir à préserver des objets de toutes sortes là, de technologies. Est-ce que comme ces logiciels-là sont préservés sur leur matériel originel ou vous numérisez? Vous numérisez. C'est déjà numérique, là, mais comme transféré. Une des raisons qu'on développe le laboratoire, c'est pour justement être en mesure de transférer les données du matériel original à une forme moderne qu'on peut utiliser. La majorité de nos données ou de nos programmes d'ordinateur ou de nos jeux vidéo sont encore sous leur, soit une disquette ou sous leur forme originale. C'est ça, comme j'ai mentionné tantôt, c'est des technologies qui ont tendance à dégrader. Donc, l'objectif, c'est de nous se trouver une manière qu'on peut les transférer sur des médiums modernes, non seulement pour les préserver, mais aussi pour avoir accès à l'information, être en mesure de partager cette information-là, soit avec nos visiteurs ou avec des chercheurs comme on avait ici là, aujourd'hui. Oui, donc j'imagine que faire le transfert, ça évite aussi de faire une préservation matérielle qui est plus complexe. En fait, idéalement, on fait les deux. Pour la simple raison, si on regarde un objet numérique d'un côté, c'est des données numériques, mais c'est aussi un médium qui contient les données. Donc, par exemple, un jeu vidéo va souvent être sur une disquette, par exemple. Donc, on veut préserver la disquette parce que ça fait partie, c'est l'objet matériel, c'est la culture matérielle d'un jeu vidéo, par exemple. Fait que c'est idéalement, on essaie de faire les deux. Parce que l'objet, souvent, comme lié aux jeux vidéo, fait partie de la culture. Donc, ça exprime un peu une certaine partie de l'importance de la préservation de cet objet-là. Mm-hmm. Ça fait vraiment partie de l'expérience du jeu. Puis nous, en tant que musée de sciences et technologies, on s'intéresse non seulement aux résultats, mais aussi au développement du jeu. Donc, par exemple, dans une disquette, la disquette elle-même, même si ce qui est important, le programme, essentiellement, c'est des données, mais la disquette, fait partie de l'histoire matérielle, elle fait partie du développement du jeu, comment que le jeu a été utilisé, mais aussi comment le jeu a été développé. Les limites de la technologie ont eu un impact sur le développement et l'utilisation du jeu ou du programme, donc c'est ça qu'on essaie aussi de documenter. Tu l'as mentionné, vous voulez rendre ça comme t'es public, t'es accessible au public. Est-ce que vous anticipez faire comme beaucoup d'émulation, donc recréer dans un environnement synthétique des vieilles consoles pour être capable de jouer à des vieux jeux? Présentement, comme j'ai mentionné, on commence tout juste, mais c'est quelque chose qu'on considère. Les artefacts électroniques, comme par exemple un vieil ordinateur ou une console de jeu, après un certain temps, les utiliser, les opérer, ça peut devenir très risqué. Et dans notre cas, surtout si c'est des objets historiques qui ont une valeur patrimoniale, les utiliser pourrait les détruire. Donc, l'émulation, c'est quelque chose qu'on regarde certainement là, pour pouvoir non seulement rendre le matériel accessible, mais facilement accessible là, à tout le monde. Est-ce que ça fait longtemps que le projet a commencé? Parce que tu l'as mentionné, vous êtes en train de comme, former le laboratoire présentement. Moi, je travaille sur le projet un peu depuis 2018, qu'on a commencé à parler du chat. Ça fait longtemps que le musée pensait à ça. Mais depuis 2018, on a commencé à avoir un discours un peu plus développé. Mais c'est certain, le laboratoire a été impacté par la pandémie parce qu'on travaille de la maison, on ne peut pas être sur place. Donc, ça fait près de 2-3 ans, mais là, on a acheté l'équipement, on installe l'équipement. Donc, on espère être en mesure de commencer à expérimenter bientôt. Là. On a trouvé des disquettes usagées avec un peu ce qu'on appelle du dummy data, là, des données un peu non historiques. Donc, l'idée, c'est d'expérimenter avec ces données-là pour pouvoir les recouvrir, pour pouvoir les restaurer, pour pouvoir apprendre comment les préserver. Et puis ensuite, là, développer les protocoles qu'on va avoir de besoin pour faire ça. Puis éventuellement, quand on va avoir acquis une bonne expertise, une bonne fondation, on va passer à des projets historiques. Est-ce que tu as une idée de combien de temps ça va prendre avant que ça soit comme bien établi puis accessible? Ça va prendre un certain temps, probablement au moins un an, peut-être deux. Puis je ne veux pas vraiment mettre de temps direct. C'est juste qu'on veut vraiment prendre notre temps pour faire ça comme il faut. Il y a certaines données. Quand on fait de la récupération de données, souvent on a juste une occasion de le faire parce qu'il est possible que, par exemple, tu peux détruire la disquette ou le médium qui garde les données. Donc, il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'on fait. Il faut vraiment être préparé, puis il faut avoir un plan pour non seulement recouvrir la donnée, mais pouvoir être en mesure là, de la préserver comme il faut. Ouais. Et c'est où exactement que ça va être? Ça va être à Ottawa, au Centre Ingenium, qui est l'édifice juste à côté du musée des sciences et technologies. C'est l'édifice qui contient toute notre collection, donc ça va faire partie là, de cet édifice-là. Ben, excellent. Tu nous enverras un email quand ça va être accessible, puis on ira faire un tour. Définitivement, vous êtes certainement invité, puis on a au plaisir de vous rencontrer. Ouais, merci d'être passé. Merci, Laurent. Donc, on est présentement avec Carl Therrien. Carl, que j'ai eu à l'émission deux fois. Première fois pour parler le complexe industrio-militaire et le jeu vidéo. Et la deuxième fois, c'était pour parler des jeux qui représentent les désirs des personnes qui sont, marginalisées ou autres que des hommes hétérosexuels, le désir féminin, le désir queer, etc. Tu m'invites pour des sujets pas mal difficiles, Gabriel. Ouais, je sais. Mais c'est j'aime ces sujets-là, puis je pense que t'es capable généralement de l'assurer, genre. Fait que, t'étais venu, t'avais comme plein de citations, genre, puis c'était bien le fun. C'est ma job. Mais, aujourd'hui, on parle de quelque chose de peut-être un petit peu plus facile. On est présentement à l'expo Rétro-Ludicité dans le pavillon des sciences. On est à Lionel-Groulx. Lionel-Groulx. Au deuxième étage, au carrefour des arts et des sciences, au centre d'exposition, juste à côté du laboratoire Ludov, qui est un centre de préservation et d'études du jeu vidéo extraordinaire. Oui, j'en ai vu un petit peu tantôt. Il y avait comme une opération à cœur ouvert sur une 3DO. Une restauration live de ma 3DO. Ta 3DO. Qui est une console que j'ai payée 60$ il y a une dizaine d'années, qui vaut aujourd'hui plus de 200$, parce que les fans s'emparent de tout ce qui est rétro, même les choses qui n'étaient pas désirables à l'époque. C'est pas une console qui a très bien réussi, qu'il n'y a pas une ludothèque extraordinaire sur cette console, et elle valait très très cher à l'époque. Donc c'est un échec commercial, mais voilà, aujourd'hui le rétro est tellement fort que tous les objets vidéoludiques de l'époque, il y a une surenchère actuellement. C'est une communauté de collectionneurs qui fait monter les enchères autour de ces objets-là. Oui, les prix augmentent vraiment beaucoup. Oui, tout à fait. Là, présentement, c'est ça. T'as co-organisé, si j'ai bien compris, l'expo Rétro-Ludicité. En fait, j'ai agi comme commissaire, donc c'est, le chef d'orchestre, mais j'ai eu beaucoup de soutien. Ça émerge d'un projet de recherche sur la nostalgie qui a été piloté par André Habib. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est un historien du cinéma, Suzanne Paquet, une historienne de la photo, et moi-même qui est un historien du jeu vidéo ou quelque chose comme ça. Et on a comparé donc qu'est-ce qui revient, de quelle manière ça revient dans la nostalgie des médias. Et on a vu qu'il y avait énormément de parallèles, de mouvements de récupération, de retour, de nostalgie et de ce qu'on appelle la technostalgie, la nostalgie des technologies. Et souvent, ça se manifeste de la même manière, juste pour donner un exemple. En cinéma, quand vous tournez des films aujourd'hui en numérique, vous pouvez acheter des filtres de grains de pellicules analogiques. En jeu vidéo, vous pouvez émuler des jeux rétro et ajouter une facture de télévision des années 80. Donc, ce qui était souvent des défauts à l'époque ou des traces de la technologie, des traces matérielles très perceptibles, pas seulement un défaut, mais une trace qui est disparue, revient et même est monétisable. On peut acheter des filtres pour vos appareils photo ou votre caméra numérique. Et en jeu vidéo, on voit aussi qu'il y a un mouvement de, disons, restauration de la facture esthétique originale. Mon exemple favori pour montrer jusqu'où ça peut aller, c'est avec les photos numériques sur votre téléphone. Il y a des applications qui sont tellement nostalgiques qu'elles vont vous demander d'attendre 3 jours avant de voir les clichés que vous prenez pour vous rappeler la bonne vieille expérience, d'attendre, de faire développer vos photos, etc. Donc, tu peux pas savoir si tu as pris une bonne photo sur le moment. Il faut juste que tu fasses confiance à tes talents ou... Exactement. Et la photo, à la limite, je dirais, plus ou moins, c'est pas la partie importante, c'est la nostalgie même de la pratique qui est vendue ou qui est rendue accessible à travers une application comme ça. Quelque chose que j'ai recensé un peu aujourd'hui au symposium, c'est que la nostalgie, c'est souvent quelque chose d'imaginé. C'est pas quelque chose de réel. On a la nostalgie pour quelque chose qu'on s'imagine que une forme particulière, mais qui n'était pas nécessairement comme ça avant. Donc ça aussi, c'est intéressant. Tout revient, mais jamais exactement de la même manière. Et on l'a vu effectivement tout au long des présentations et des expositions qui avaient lieu aujourd'hui au Carrefour. Et les gens de Sabotage, par exemple, nous ont parlé de leur prochain jeu Sea of Stars, qui est inspiré très clairement de classiques de Square, comme Chrono Trigger, Secret of Mana. En même temps, ce qu'ils nous ont dit, c'est quand on s'inspire des jeux de notre enfance pour faire des jeux actuels, des jeux contemporains, c'est le souvenir des jeux et non pas les jeux eux-mêmes qu'on veut réinstancier, qu'on veut ramener. Et là, il y a un peu en riant, Thierry a nommé un paquet de défauts qu'on associe aux jeux de l'époque, trop difficiles, des contrôles imprécis, des défauts technologiques. Et c'est exagéré parce qu'il y avait des jeux qui n'avaient pas ces défauts-là non plus à l'époque. Mais effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de jeux qui avaient ces défauts-là qu'on percevait moins à l'époque parce que c'est tout ce qu'on avait aussi à quelque part. Et on n'avait pas encore peut-être les standards de game design qui ont cours aujourd'hui. Mais donc voilà ce qui nous a dit, et c'est très vrai, c'est qu'on ne ramène pas tout à l'identique. On ramène un peu une version fantasmée de ce que c'était. C'est la trace esthétique qui a marqué notre mémoire. C'est ça qu'on veut restaurer finalement. Et voilà, il y a un paquet de phénomènes qu'on pourrait mentionner. Moi, mon exemple préféré, c'est le retour du pixel, des jeux en pixel art. Ben, c'est un pixel hyper carré, hyper parfait, alors que le pixel sur les écrans de télévision à l'époque était beaucoup plus baveux, beaucoup plus flou. Il y avait des artefacts esthétiques, mais en même temps, qui donnaient le charme esthétique de cette technologie-là. C'est ça qui a laissé une impression forte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des jeux rétro qui vous ajoutent des filtres de tubes à écran cathodique pour ramener cette impression très forte que cette technologie-là avait. Et d'ailleurs, dans l'expo Rétro-Ludicité, on a tenu, bien sûr, il y a des jeux sur émulateur où on perd, avec les écrans LCD, on perd cette facture esthétique-là, mais il y a aussi des écrans cathodiques où on peut voir exactement ce que les joueurs de l'époque vivaient. Oui, justement, pour parler de l'exposition comme telle, il y a plusieurs cas de figure de comment on retrouve ça matériellement, comme la nostalgie ou juste comme les objets nostalgiques comme tels. C'est quoi Donne-moi un de tes objets préférés dans l'exposition. Ah, il y en a tellement. Tu sais, c'est une expo qui était prévue avant la pandémie et on la faisait à toute vitesse parce qu'elle devait ouvrir juste avant la pandémie. Et je te dirais, une chance qu'on a eu 3 ans. Je ne veux pas dire que la pandémie, c'est une bonne chose, mais une chance qu'on a eu 3 ans parce que ça a donné une expo extraordinaire. J'ai eu le temps de faire beaucoup plus de recherches pour trouver des objets fascinants. Et Je veux qu'on comprenne bien que moi, je suis pas là pour dire c'est quoi qui est intéressant dans l'histoire du jeu vidéo. Et en fait, l'expo a été construit en dialogue avec les communautés de fans et de journalistes qui font aussi des réflexions similaires. Donc, dans un des displays, il y a une revue du magazine français Culture Jeux Vidéo qui a fait un spécial en 2018, je crois, sur le retour du gros pixel. Comment le pixel est revenu à la mode, c'est la question qu'ils posent. On pose une question similaire. Pourquoi le jeu revient-il sur ses pas? Donc voilà, et en dialogue avec tout le monde qui s'intéresse aux jeux rétro, j'ai voulu intégrer au cœur de l'expo des objets créés par les fans pour garder la mémoire du jeu. Et donc, un de mes objets préférés, pour répondre à ta question, ce sont des dioramas, donc des petites boîtes de vitre avec des moments phares de l'expérience des joueurs. Et donc, c'est un artiste en Espagne qui fait ça, qui vend ça à fort prix et qui doit faire des tonnes de fric jusqu'à ce que Nintendo et Square Enix lui tombent dessus. Mais il y en a plusieurs dans l'expo. Par exemple, Paper Mario. Imaginez donc dans un cube de plastique, vous avez une scène typique du jeu avec plusieurs couches, les sprites, les décors en arrière-plan. Il y a un diorama des jeux de LucasArts dans le Scum Bar de Monkey Island, le premier jeu Monkey Island. On a réuni tous les personnages de cette époque-là créés par Lucasfilm, aussi connu sous le nom de LucasArts. Donc, les fans sont très attachés à garder la mémoire du jeu vidéo actuelle, de la rematérialiser. C'est ça qui est fascinant. C'est pas juste on va émuler, on a toute la collection des jeux NES sur notre disque dur, puis on peut jouer à n'importe quel jeu. C'est on va rematérialiser certains objets. Et j'imagine que mon autre objet préféré, après ces objets créés par les fans, c'est Halo 2600. Une cartouche réelle qui fonctionne sur la console Atari 2600 de 1977. Et c'est créé par Ed Fries, le co-créateur de la première console Xbox, donc créé le success story de la Xbox pour Microsoft. Il a reprogrammé le jeu phare de la première Xbox, Halo, qui est encore à ce jour la franchise la plus lucrative sans doute sur la console. Il l'a rematérialisé, en fait, il a changé le game design, mais on reconnaît le Master Chief, on reconnaît, dans une poignée de pixels, on reconnaît les créatures du jeu original qui sont très colorées, donc c'est facile d'avoir des codes de couleurs pour les reconnaître. Et le jeu fonctionne sur Atari 2600. Juste à côté, il y a Collector Vision, un studio québécois, qui lui aussi diffuse des jeux comme Sydney Hunter sur des cartouches de Super NES, de Master System. Non seulement tout revient sous de nouvelles formes, mais on tente aussi, au niveau de la communauté des créateurs contemporains et des fans, de retrouver la matérialité et de la faire fonctionner et de la faire perdurer dans le temps. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très beau là-dedans. On est à l'ère des grandes questions écologiques. L'idée qu'on n'est pas obligé de tout envoyer à la décharge, qu'on peut rafistoler, qu'on peut réparer, qu'on peut jouer et avoir des expériences extraordinaires sur des plateformes d'époque, je trouve qu'il y a quelque chose de nécessaire même. Qui est opéré par les fans et les créateurs de jeux vidéo actuellement. Tu m'ouvres une canne que j'aimerais ça explorer pendant une heure encore avec toi. On n'a pas le temps. Deux affaires que je veux juste mentionner rapidement. Une affaire rapide, il y a aussi des jeux de société. Oui. Je vois un vieux jeu de King Kong en arrière de toi. Tout à fait. On l'a mis à côté de la Virtual Boy de Nintendo. C'est ce genre d'association-là qui m'est venu à force de faire de la recherche. Et puis, je me souviens donc, c'est il y a quelques années, j'avais vu des nouvelles au niveau de la réalité virtuelle. On annonce que la réalité virtuelle va percer depuis 2016. Hein. On dit que c'est l'année de la réalité virtuelle, que tout le monde, les consommateurs, vont massivement se ruer sur cette technologie-là. C'est pas le cas. Et c'est fascinant, justement, qu'on semble avoir atteint un point de rupture dans le progrès de la technologie, jeux vidéo ou autre. Et il y a une nouvelle qui m'a profondément marqué qui disait « Les jeux de plateau et non la technologie de pointe de la VR attirent plus de financement sur Kickstarter et d'autres plateformes de sociofinancement comme ça. » Donc, je donne un exemple de cartes de jeux de table faits par des fans ou des jeunes studios émergents qui attirent 9400% de financement sur Kickstarter. Et donc, c'est pour ça qu'on voulait mettre des objets immersifs passé et futur côte à côte, parce qu'on veut montrer que finalement, c'est pas un progrès linéaire, cette histoire-là. Le jeu, les accessoires ludiques, que ce soit des jeux de plateau ou la réalité virtuelle, tout ça peut être très immersif. au point où on retourne à d'anciens modèles immersifs. Et donc, c'est pour ça que vous avez beaucoup de jeux de plateau dans l'expo, notamment Boss Monster, qui est un jeu de cartes coopératif et compétitif où vous construisez des donjons et les autres joueurs et joueuses doivent avoir des... ont leurs héros et ils doivent essayer de traverser vos donjons. Donc, à partir de cartes à jouer, on va recréer des niveaux de jeu avec des, du pixel art sur les cartes, etc., etc. C'est très, très amusant à jouer. Donc, il y a vraiment cette idée que les joueurs ne sont pas figés dans cette idée du progrès et qu'ils ne veulent pas toujours la prochaine nouvelle bébelle. Ils ne veulent pas enterrer les anciens accessoires ludiques. Ils veulent s'immerger, même avec des vieilles bébelles qui sont encore très, très, très efficaces. Je vais te poser une colle comme dernière question, parce que c'est une question que j'avais quand j'étais venu au vernissage. Et il y a... On retrouve un certain esthétisme un peu plus ancestral, des vieilles générations, mais au niveau de la jouabilité, on retourne pas nécessairement aux jouabilités plus simples dans les jeux vidéo. Le gameplay, la jouabilité, c'est modernisé tout de même. Ben, je vais répondre à ta colle par une observation qui va vraiment te troubler. Ouh. Dans mon cours jeux vidéo et cinéma ce trimestre, on a joué sur YouTube à un des pires modèles de jouabilité dans l'histoire du jeu vidéo, le film-jeu interactif sur CD-ROM avec des acteurs filmés dans des scénarios abracadabrants, des jeux d'acteurs horribles, des qualités d'image vraiment impossibles. C'est rendu que Markiplier fait des films interactifs sur YouTube. Puis on a joué à ça en classe, en se posant la question, en votant. Donc, vous avez deux choix à la fin d'un petit vidéo de 3-4 minutes. A heist with Markiplier. Markiplier présente la situation. Vous faites une infiltration. Et là, à la fin du vidéo, vous demande, bon, voulez-vous aller à gauche, à droite? Voulez-vous installer la bombe ici? Voulez-vous prendre la mitraillette? Et on votait en classe. Comme à une certaine époque, on essayait de faire du cinéma interactif en salle et on faisait voter les gens. C'est une jouabilité de marde, pardonne-moi l'expression. Et pour répondre à ta question, ben même ça, ça revient. Et ça, j'aurais jamais pu prédire ça parce que ça a été décrié. Le film-jeu interactif dans les années 90, ça a été une espèce. Il y a eu un gros buzz, puis là, tout le monde achetait les jeux. Ça marchait pas très bien comparativement à un Doom ou à un Ocarina of Time, The Legend of Zelda. Et donc, oui, à l'époque, c'est mort. Ça périt par le feu de manière assez magistrale. Mais même ça, ça revient. C'est vrai, puis ça revient de manière prisée en plus. Ben, Markiplier étant le facteur attractif, j'imagine, dans cette équation-là, mais il y a aussi Kimmy Schmidt, Unbreakable Kimmy Schmidt. Il y a plein de franchises télévisuelles ou cinématographiques qui vont utiliser ça pour faire du produit dérivé. Oui, mais il y a aussi Her Story qui est sorti là, comme 6 ans. Oui, il y a tout à fait. Il y a des jeux créés par Sam Barlow, celui que tu viens de mentionner. Donc, il y a aussi des gens qui redonnent au genre ses lettres de noblesse avec, justement, une bonne qualité de jeu d'acteur, un bon scénario. Et donc, une interactivité plus minimaliste. Hein. On pourrait penser que les joueurs veulent un gameplay toujours plus raffiné, mais pas tout le temps. Il y a des spectateurs un peu... il y a des postures un peu intermédiaires où tu veux être joueur, mais peut-être que tu veux être un peu spectateur. Puis oui, prendre le temps de regarder des vidéos avant de prendre des décisions dans un espèce d'embranchement narratif. Donc, même ça, ça revient. Écoute, Carl, je sais que tu es un gars occupé. Je suis très reconnaissant que tu aies pris cette petite 15 minutes-là pour me parler. Avec grand plaisir. Je suis très reconnaissant que tu t'intéresses à ce qu'on fait en jeux vidéo ici à l'université. Je vais te laisser aller, mais je te repongue pour une autre grosse discussion à un moment donné. Avec grand plaisir. Donc, on est présentement avec Dominique Arsenault, professeur à l'UDM. C'est quoi déjà? Ça me semble que c'est une grosse affaire. Là. Département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques, section cinéma et jeux vidéo. Et tu es... C'est la scénarisation, toi, ta spécialisation. Ma spécialité, c'est la scénarisation interactive, ouais, pour le jeu vidéo. Là, aujourd'hui, t'es au symposium parce que t'es aussi une rockstar, c'est ça? Ben là, c'est vite dit, là, mais je fais de la création musicale, ouais, c'est ça. C'était plus pour ma démarche de création comme musicien. C'est ça, parce que ça fait partie un peu de tes projets de recherche. Tu fais du métal, mais du métal qui est aussi agrémenté de sons qu'on pourrait qualifier de rétro. Oui, c'est ça. Moi, dans le fond, tu sais, j'ai grandi dans les années 80 en banlieue de la ville de Québec, en ce qui me concerne. Mais bon, comme beaucoup d'enfants qui sont nés dans les années 80, surtout des garçons, les jeux vidéo faisaient partie du sous-sol, de l'imaginaire et tout ça. Puis en même temps, la musique métal est venue résonner. Puis c'est un peu un complément parfait, si on veut. Fait que j'ai grandi en m'intéressant à ces deux choses-là. Puis on est nombreux dans l'industrie du jeu vidéo, chez les créateurs, aussi chez les fans et tout ça, à combiner ces deux passions. Là, fait que je me suis dit, est-ce qu'il y a des causes pour ça? Est-ce qu'il y a des racines culturelles? Est-ce qu'il y a des influences artistiques qu'on peut retrouver finalement dans ces deux pratiques culturelles-là que sont la musique métal et le jeu vidéo? Et donc, pour étudier la question, on peut l'étudier évidemment avec des projets de recherche, faire des enquêtes sociologiques, faire des survols d'entrevues avec les créateurs, identifier des dispositifs esthétiques, des figures, des choses comme ça. Mais on peut aussi essayer d'explorer ces hybridations-là. Puis moi, c'est ce que j'ai voulu faire, dans le fond, avec ma création musicale. J'ai été dans un band metal quand j'étais plus jeune. Puis j'ai commencé à faire de la musique en solo en utilisant des sonorités de jeux vidéo rétro. Donc, simuler les puces sonores qu'on trouvait dans les premières consoles de jeux vidéo comme la Nintendo en 85 en Amérique du Nord, la Super Nintendo, la Sega Genesis, l'Atari 2600 et tout ça. Fait que c'est ce que je fais dans ma création musicale. Dans le fond, j'écris des chansons. Chaque chanson est basée sur un jeu vidéo rétro que je vais essayer d'explorer, écrire des paroles originales, composer de la musique originale. Et j'utilise des guitares, de la batterie, de la voix heavy metal traditionnelle et en même temps des sonorités de jeux vidéo rétro comme instrument mélodique. Ce qui est intéressant, parce qu'on parlait de ton projet de recherche, je sais pas si tu veux comme le mentionner là un peu, genre, mais ce qu'on en parlait au préalable, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de bandes sonores sur la Nintendo et la Super Nintendo qui sont en effet comme près d'une esthétique métal. Donc du heavy metal ou du speed metal, beaucoup de trucs à la Iron Maiden, ou etc. Toi, t'as une thèse à par rapport à ça? on peut dire une hypothèse, on peut dire une thèse, mais pas une thèse au sens académique. Là, j'ai pas fait ma thèse de doctorat là-dessus. Mais c'est ça, c'est une thèse que je cherche à explorer, dans le fond. C'est de... premièrement, il y avait des limitations techniques importantes pour plusieurs des premières puces sonores rétro. Donc, on pouvait difficilement faire plusieurs sons simultanément. On avait deux ou trois ou quatre canaux. C'était des ondes carrées, donc des sons assez stridents, assez durs. Et puis, on pouvait seulement en avoir deux ou trois en même temps. Donc, ça invitait à avoir une approche compositionnelle en utilisant des techniques comme le contrepoint, qui était très répandu pour la musique baroque du côté classique et qui a été très utilisé aussi pour le heavy metal. C'est une des sonorités principales, une des techniques compositionnelles importantes dans la musique metal, ce qu'on appelle le twin lead guitar, donc avoir deux guitares mélodiques qui jouent à la tierce, par exemple, une mélodie. Bien, c'est le genre de choses qu'on faisait aussi sur la NES parce qu'on n'a pas assez de canaux pour faire des accords puis des choses comme ça. Donc, c'était beaucoup moins des textures harmoniques, c'était beaucoup plus des signaux. Puis en plus, il y avait l'impératif rythmique, là, c'est-à-dire qu'il faut que ça drive, il faut que ça avance, il faut que ça pousse à l'action. Donc, la rythmique était souvent très prononcée aussi, assez carrée, comme ce qu'on trouvait dans le métal aussi. Donc, on peut regarder des trames sonores de jeux rétro comme Mega Man, Castlevania, tous des jeux, des séries, des franchises qui sont passées à l'histoire pour la qualité de la musique, puis trouver là des influences puis des structures très métal, tu sais. Ouais, c'est pas parce que les compositeurs étaient eux autres des fans de métal nécessairement. Pas nécessairement, mais c'était aussi la période, puis c'est ça qui est intéressant. Dans le fond, une des questions qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il y a un effet de cohorte générationnelle qui fait que dans les années 80, c'était la popularité du hard rock puis du métal, Iron Maiden évidemment, mais d'autres aussi, AC/DC puis tout ça. Puis donc, est-ce qu'il y a eu là un effet de convergence? Les créateurs de jeux vidéo étaient intéressés par la musique populaire, puis il y avait beaucoup de hard rock puis de métal dans la musique populaire à cette époque-là. Et donc, puis il y a eu les sonorités qui venaient des puces sonores, qui étaient assez spécifiques, qui délimitaient un champ d'horizon d'expression assez limité, puis qui convergeaient avec le heavy metal. Puis, finalement, c'est un peu disparu avec les consoles sur CD-ROM, les capacités de stockage super élevées et l'évolution technologique des jeux vidéo. À partir de la PlayStation, on peut mettre la musique qu'on veut. T'sais, on peut enregistrer du piano, on peut enregistrer une contrebasse, un violoncelle, n'importe quoi. Donc, on n'est plus cantonné à la palette expressive de la puce sonore. Donc, est-ce que, passé 95, cette convergence-là, qui est un peu une accointance naturelle entre le heavy metal et le jeu vidéo, disparaît. Puis là, ben finalement, être un gamer qui grandit dans les années 2000, est-ce que finalement, ça peut être la musique pop, le rock, le hip-hop, le jazz, etc., tu sais, qui joue un rôle tout aussi important que le métal? Il y a quand même quelque chose qui reste dans le jeu vidéo avec le métal. T'sais. On va trouver du métal dans à peu près tous les combats contre des boss, contre des adversaires surpuissants, des chefs de niveau dans le jeu vidéo. Parce qu'il faut que ce soit intense, il faut que ce soit action, puis hop, fait que là, on sort la guitare électrique, puis on y va avec un morceau métal, même si le reste du jeu n'est pas nécessairement un gros truc métal. Est-ce qu'on pourrait donner ça à un aspect culturel dans le genre « Ah, ben t'sais, ça vient des racines quand même de la musique de jeu vidéo, pas nécessairement parce que t'sais, ben, intense égale métal? » Ben, c'est sûr que du moment où quelques créateurs de jeux très influents le font, ben, ça s'instaure un peu comme dispositif esthétique incontournable, tu sais. Ça devient la formule puis la recette. Fait que je pense qu'il y a de ça beaucoup, là. T'sais, tu regardes, par exemple, un bon exemple, c'est le jeu DuckTales sur NES. Ça, c'est une adaptation de la série Picsou, la bande dessinée. Ben, dans le jeu DuckTales sur NES, il y a toutes sortes de chansons. Puis, t'as une chanson quand on se bat contre des boss, qui est pas spécifiquement très métal. Mais dans le remake ou le reboot qu'on a créé en 2014, qui s'appelle DuckTales Remastered, ben là, le musicien qui a été en charge de refaire la musique avec des instruments modernes est allé avec une version très métal du boss team, finalement. Quand on se bat contre un boss, c'est la grosse guitare électrique, la grosse batterie, puis tout ça. T'sais. Fait que, clairement, pour lui, il a regardé ça avec ses yeux rétrospectifs, puis il a dit, ça, c'était supposé être le gros truc métal, parce que c'est de même ça marche. Ouais, il y a quand même quelque chose de aussi, j'imagine, culturel un peu, parce qu'il y a eu beaucoup de réadaptations au métal, de, comme vieilles chansons. Je me souviens, un des premiers groupes à avoir fait ça, que dont moi j'ai connaissance, c'est The Mini Bosses, ouais. Que j'ai vu live à Arcadia. Wow, c'est super cool ça. C'était... J'étais allé à Arcadia, mais je savais pas qu'il y avait un spectacle des mini-bosses. Là, fait que... Ouais, mais c'était quelque chose comme en 2006 ou Sepsum ou quelque chose de même. Là. Ah ouais, j'étais là, je présentais, j'étais conférencier, je pense, à l'époque, je faisais ma maîtrise ou je finissais ma maîtrise. Ouais, j'avais fait une conférence, mais j'avais pas toute la programmation ou j'avais pas remarqué peut-être, je sais pas. Mais je connaissais aussi à l'époque parce que ouais, c'était un des premiers groupes. Là. Mais effectivement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de nerds qui s'intéressaient à la musique de jeux vidéo, qui ont commencé peut-être à pratiquer la guitare avec un goût pour le heavy metal ou en tout cas, tu sais, un intérêt pour la distorsion et tout ça. Puis la chose la plus naturelle, on dirait, à faire quand on fait des covers de musique de jeux vidéo, c'est de faire une version métal. Parce que les arrangements suggèrent peut-être ce type de sonorité-là. Aujourd'hui, il y a un foisonnement quand même relativement important. Là. On va trouver des big bands, des quatuors de cordes, on va trouver des orchestres, toutes sortes de manières de reprendre des musiques de jeux vidéo. Mais reste qu'il y en a vraiment beaucoup qui se font dans le style métal. Ouais, c'est ça. C'est peut-être un peu pour ça, toi, que ta pratique de musicale avec Multi-Memory Controller s'est dirigée aussi vers comme le métal. Ouais, ben moi, tu sais, j'étais dans un groupe de métal. On faisait nos compositions, on faisait des covers de groupes métal et tout ça. Puis un truc qui marchait super bien qu'on faisait en spectacle, c'était un medley où est-ce qu'on jouait les chansons de Mario Bros. On en jouait plusieurs. Puis là, les gens, tu sais, ça sortait vraiment du champ gauche là. Puis on avait une super bonne réception à tous les spectacles qu'on faisait. Les gens nous disaient, hey, Mario Bros, c'était débile quand vous avez fait ça et tout ça. Puis tu sais, on s'est connus par la musique. On était cinq dans le groupe. Puis les cinq, on était des fans de Mega Man, puis des jeux rétro, puis tout ça. Tu sais, fait que clairement, il y avait quelque chose là qui était partagé, qui était quasiment universel dans ce cercle-là, finalement. Ouais, mais c'est pas fou de s'imaginer qu'il y a beaucoup de métalleux, d'ailleurs, qui sont fans de ces musiques-là, parce qu'ils ont joué à ces jeux-là quand ils étaient jeunes. Ouais, des groupes comme Dragon Force, c'est un bon exemple, là, qui font des leçons Pac-Man à guitare. Là. Le guitariste Herman Lee va avoir une vidéo YouTube en disant « Voici comment on fait le son Pac-Man avec la guitare. » Il explique sa technique. Mais bon, ils viennent de sortir un vidéoclip pour leur dernière chanson qui s'appelle « The Last of the Dragonborn », je pense, qui est de Skyrim. T'sais. Donc, la palette est là, tu sais. Non, mais c'est typique de Dragon Force. Là. Absolument. Ça pourrait ne pas être Skyrim, ça fitterait Dragon Force pareil. T'sais. Ouais, absolument. T'sais, des rois, des châteaux, des armées, des dragons, tout ça. T'sais. Les thèmes du fantasy et de la science-fiction aussi sont vraiment dans le même répertoire de l'imaginaire. Et aussi la grande figure qui est Lovecraft et le mythe de Cthulhu qu'on va retrouver dans le métal vraiment partout. Là. Que ce soit le Necronomicon et même les trucs plus obscurs, genre Nyarlathotep puis tout ça. Là, donc, band metal que je suis sûr que tu connais, Gabriel. Nyarlathotep, le band metal? Ouais, il me semble. Ah, je sais pas. Peut-être. Non, alors, on a fait une petite recherche là-dessus. Là. J'ai avec deux auxiliaires de recherche. On a fait un recensement des noms propres de tous les univers de fiction. Tolkien, Lovecraft et tout ça. Donc, on cherche. Puis, on trouve 16 bands qui s'appellent Moria, par exemple. Puis, on a 3000 quelques résultats. Là, Ouais, c'est ça. Je me suis dit que j'allais pas poser la question, genre, parce que c'était comme un petit peu, genre, à l'extérieur, comme peut-être le sujet de notre conversation d'aujourd'hui, mais c'est quand même intéressant, ça, qu'il y a beaucoup de, je sais pas, le métal, il y a beaucoup de nerds dedans, genre, qui aimaient, comme Lord of the Rings. Ouais, Donjons et Dragons, super important pour les métalleux, pour les fans de jeux vidéo, pour tout ce circuit imaginaire-là. Toi, dans ta pratique musicale, tu l'as mentionné, tu fais tu couvres des univers singuliers par tune. Une chanson sur un jeu ou une franchise parfois, mais souvent sur un jeu, ouais. Puis il y en a combien dans ton nouvel album qui sort? Au moment où on diffuse ça, il est peut-être déjà sorti. Alors, mon deuxième album s'appelle The Serpentarius Arcana, donc l'arcane du serpentaire, on pourrait dire, qui sort le 13 décembre 2022. Et puis, il y a 8 chansons dessus qui parlent de 7 jeux vidéo, parce que j'ai un jeu qui est couvert par 2 chansons différentes. Donc, j'ai des jeux comme Prince of Persia, Donc, vraiment un classique là, du jeu vidéo. Final Fantasy Tactics, qui est un des Final Fantasy les plus singuliers, puis aussi qui a une certaine réputation. Journey, qui est un jeu vidéo très esthétique, qui avait gagné d'ailleurs le premier Grammy, je pense, ou le BAFTA, ou je me souviens plus quoi, pour meilleure musique, pour audiovisuel ou quelque chose comme ça. C'est la première fois qu'un jeu vidéo gagnait. J'ai World of Warcraft, très populaire. Castlevania Symphony of the Night, un des grands classiques du jeu vidéo. The Elder Scrolls Morrowind, donc le précurseur de Skyrim, le précurseur d'Oblivion, et Metroid Prime, qui sont des jeux donc, qui viennent de différentes époques du jeu vidéo, mais qui ont tous, disons, un certain statut, pour moi en tout cas, comme classique, puis pour beaucoup d'observateurs aussi. Ben c'est ça, c'est tous des jeux qui t'ont marqué, donc t'as ouais. tout un attachement nostalgique un peu à ces jeux-là. Peut-être ouais. moins Journey. Là, c'est... Non, Journey, en fait, c'est un jeu qui est vraiment bouleversant, esthétiquement, c'est super beau, c'est profond. C'est aussi un des premiers jeux que j'ai joué ensemble avec mon fils qui avait 3 ans ou quelque chose comme ça, tu sais. Puis on a joué ensemble, puis il trouvait ça magnifique. Puis fait que, tu sais, c'est aussi très affectif. Là. moi, je pleure à chaque fois. Ah, c'est magnifique. Là, ma chanson me fait pleurer. Ça fait beaucoup de fois que je l'écoute. Là. Mais parce qu'évidemment, à travers la chanson, je revis un peu toute l'aventure qu'est Journey. Ben écoute, ton album va aussi être une aventure. Fait que on va aller écouter ça. Merci de passer aujourd'hui. Merci à toi.